Le billet d'humour d'Audrey Charlot. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Faut-il suivre son intuition ? Ce qu'on appelle intuition, c'est l'âme qui parle, alors faites-lui confiance. Tout est dit dans cette citation. Vous vous êtes déjà retrouvé face à des choix difficiles ou des décisions à prendre ou pâte ou riz ce soir ? Tout de suite dans votre tête, vous commencez à vous torturer l'esprit en pesant le pour et le contre, mais une petite voix sortie de nulle part vous donne son avis. Selon des études, il serait bon d'écouter cette petite voix. Et oui, on regrette moins le choix du cœur que celui de la raison. On s'en voudra moins d'avoir agi par instinct et non par le cerveau. Parce que là, on est dans le vrai, on est en accord avec nous quand on écoute notre intuition. Encore faut-il savoir la suivre. Et oui, grâce à certains exercices, on peut améliorer notre écoute et la développer, notamment grâce à l'écriture. Écrire chaque jour dans un journal développerait notre intuition. Ou encore pratiquer la méditation favorise notre écoute du corps et de l'esprit. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, suivre son instinct est le plus beau risque à courir. Très belle semaine à tous. La chronique de Charlot, à retrouver en podcast sur itswanradio.com.